L'agenda. Narbonne, ville d'art et d'histoire, eh bien vous propose toute l'année, pendant les vacances scolaires, de nombreuses visites commentées, visites guidées individuelles, qui vous plongent au cœur même de l'histoire narbonnaise. La ville de Narbonne propose un large éventail de visites à heure fixe, afin de faire connaître le patrimoine de Narbonne à tout le monde, si riche et si varié, au titre du label ville d'art et d'histoire. Les tarifs sont fixés de 4,20€ à 6,50€, et c'est gratuit pour les enfants jusqu'à 10 ans. Les départs et la billetterie ont lieu à l'office du tourisme. Pour en savoir plus ou vous inscrire, vous pouvez contacter Christophe Cabrier, qui est le responsable et s'en occupe, au 04 68 90 30 66. 04 68 90 30 66.